Ça a pas changé, tout est pourri, mon ami. Assure-toi que tu sais par où partir quand c'est l'heure. Car tu vois, petit Jacques, c'est maintenant que t'auras peur. Corruption, délation, tout est encore à sa place. Festival des gros cons qui défilent dans des palaces. Ta confiance en ta monnaie. Mais t'as bien fait, sans toi le monde tournerait plus. Il a besoin de natifs intègres. Mon pauvre, mon pauvre. Bienvenue chez toi. Le monde est toujours aussi mauvais. Sans toi, qu'est-ce que tu crois qui va changer? Tout ça, chaque pas. Se meurt, tu attends, elle revient et elle te fixe. Tu dégustes, tu redécouvres que tout est laid, même les fleurs. Mais tu vois, petit Jacques, à présent c'est bientôt l'heure. Tu dégueules, tu te caches, mais pourtant il faut que tu saches que les rires aujourd'hui sont contrôlés par l'élite. Ta naissance et ta mort sont gravés dans une poubelle. Petit Jacques, dis-moi alors.